franceinter.fr. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, une histoire de résistance, magnifique de courage, d'audace et d'intelligence politique. 1942, l'opération Torch. Année noire. Rien ne semble pouvoir arrêter Hitler. Mais le 8 novembre, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord va marquer un tournant décisif et irréversible. Sous le commandement du général Eisenhower, 300 bâtiments et plus de 100 000 hommes s'approchent à l'aube des côtes de l'Algérie. Mais dans ce département français, aux ordres de Vichy, les Alliés ne sont pas attendus en libérateur. L'opération Torch, c'est son nom de code, n'aurait jamais pu réussir sans le coup de force, spectaculaire et génial, mené à Alger par une poignée de jeunes résistants. Dans la nuit, 400 jeunes hommes armés de vieux fusils ont réussi à s'emparer des points stratégiques de la ville, à tenir en respect plus de 12 000 soldats de Vichy et ainsi à ouvrir la voie aux libérateurs. Ils s'appelaient José Aboulker, Jacques Zermati, Jean Daniel, Bernard Carcenti. Ils étaient républicains et gaullistes, juifs pour la plupart. Ils avaient 20 ans, tous bien décidés à en finir avec Pétain et Hitler. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Philippe Danan, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur, vous êtes aussi historien, l'auteur d'une thèse sur les Juifs d'Alger de 1830 au décret Crémieux. Et vous êtes le neveu de José Aboulker, qui fut l'un des chefs, le principal, en tout cas instigateur du coup de force mené par la résistance à Alger en 1942. Alors c'est à travers ses yeux que dans quelques minutes je vais raconter cette histoire de l'opération Torch. Alors José Aboulker est mort en 2009, votre oncle. Quel sentiment cela donne d'abord d'être le neveu comme ça d'un héros de la résistance? Eh bien, le problème principal quand on est enfant, j'avais 9 ans en 42, on se pose cette question. On se pose cette question et on se dit, est-ce que je l'aurais fait? Et c'est très pénible parce que on a le doute. Mais ça n'empêche pas d'admirer ceux qui l'ont fait. Vous avez des souvenirs de 1942? Très peu. J'ai assez peu de souvenirs d'enfance. Évidemment, je me souviens de cette nuit où on est allé à la campagne parce qu'on a évacué les enfants. Mais je me souviens pas de la façon, par exemple, où je suis monté jusqu'à la colonne Voirol, au-dessus d'Alger. Complètement oublié. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir sur le parcours de José Aboulker, mais d'abord pour bien comprendre pourquoi et dans quelles conditions ce groupe de jeunes résistants a organisé ce coup de force et ainsi permis le débarquement allié à Alger. Pourriez-vous nous dire, Philippe Danan, ce qu'était l'Algérie en 1940? Bien, pour parler d'Alger, ce qui est plus facile que de l'Algérie, à Alger, il y avait 400 000 habitants, sur lesquels 280 000 à peu près européens et juifs. Les Européens non-juifs ont applaudi l'arrivée de Vichy, parce que politiquement, ils étaient prêts. Et par ailleurs, ils ont encore plus applaudi, vraisemblablement, l'abrogation du décret Crémieux d'octobre 1940. Vous pouvez nous rappeler ce qu'était le décret Crémieux? Le décret Crémieux avait, en 1870, donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Et le fait de le voir abrogé a apporté de grandes satisfactions à tous ces gens-là, somme toute, qui n'étaient pas tous nos amis. Et les Algériens arabes? Eh bien, les Algériens musulmans, en fait, se sont trouvés un petit peu en dehors de cette affaire. En effet, ils n'ont pas pris part à la résistance, et ils ne se sont pas retrouvés avec les 400 qui ont pris la ville en novembre 42. C'est donc une société assez fermée, assez bloquée. C'était une société assez fermée et à laquelle Pétain s'est dépêché d'envoyer un amiral à Brial comme gouverneur général, lequel était un fanatique de la collaboration avec les Allemands. Puis il a envoyé Weygand pour superviser à Brial. Et Weygand, lui, n'était pas un collaborateur, il était même plutôt anti-allemand. Mais par contre, il était un fanatique du régime de Vichy. Et il ne voulait absolument pas que l'armée française rentre dans la guerre aux côtés des alliés. Je pense que la démocratie lui faisait un petit peu horreur. Oui, l'armée française qui stationne en Afrique du Nord est très pétainiste et anti-anglaise. L'armée française est tout à fait pétainiste. On a trouvé que quelques officiers pour tenter de faire quelque chose éventuellement. Et ça s'est appelé le complot des officiers et Végan les a fait arrêter. C'est donc dans ce contexte que José Aboulker va commencer à réfléchir à une action possible et à réunir des amis, des cousins qui vont ensemble créer ce réseau de résistance qui va aboutir en 1942 à la participation au débarquement allié. Eh bien, le noyau est assez familial. José rencontre naturellement ses cousins et par ailleurs, un de ses cousins, Raphaël Aboulker, commence à organiser le groupe Jograt. Et ça se recrute dans tous les sens, parmi les quelques opposants au régime de Vichy, et par sécurité, beaucoup de juifs, bien sûr. C'est cette histoire que je vais raconter tout de suite, Philippe Danan. Nous poursuivrons cette discussion, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1942, l'opération Torch, un texte de Brigitte Stora, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussir. La baie d'Alger, les tramways, la mer, ma Méditerranée, complice. J'ai 22 ans, ce soir, je serai adulte. Ou peut-être je vais mourir. Ce soir, les Anglais et les Américains vont débarquer. J'ai du mal à y croire. Nous les attendons depuis si longtemps. On leur a fourni les plans et on s'est engagé à leur ouvrir la voie. Ce soir, enfin, nous allons libérer Alger des mains des collabos et arrêter leur chef. Mais ce sera dur. Contre nous, ils sont des milliers. Les miliciens, l'armée d'Afrique, Pétain. Nous, moins de 400. Et si on n'y arrivait pas? On n'a même pas reçu les armes promises par les Américains. Peut-être qu'ils n'y croient pas vraiment, on n'est qu'une bande de gamins. Plus question de reculer pourtant. Nous n'avons plus rien à perdre. Qui sait ce que raconteront plus tard les historiens? Peut-être que non plus n'y croiront pas. Opération Torch. La torche que tient dans sa main la Statue de la Liberté à New York. J'aime ce nom. Torch. Le même en français. Il fait beau aujourd'hui. Même le soleil résiste. Comment peut-on à la fois se sentir aussi fort, aussi fragile, aussi heureux? 7 novembre 1942 à Alger. José Aboulker, étudiant en médecine âgé de 22 ans, est à la tête d'un groupe de résistants algérois qui se prépare ce soir à ouvrir la voie aux alliés. Le gouvernement de Vichy ne croit pas à l'éventualité prochaine d'un débarquement. Hitler semble triompher partout. Pourtant, depuis des mois déjà, des contacts ont été pris entre des diplomates américains et des patriotes français, d'accord pour leur prêter main forte. José sera le principal animateur de la résistance en Algérie. Il a contacté ses cousins, Bernard Carsanti, les frères Carcassonne, Jean Daniel, ses nombreux amis. Et il a décidé de fédérer tous les patriotes, quelle que soit leur couleur politique. L'idée d'Aboulker est terriblement audacieuse. Il s'agit, simultanément au débarquement, de renverser le gouvernement de Vichy à Alger et de paralyser l'armée sans verser une goutte de sang afin que cette armée puisse se retourner et rejoindre le camp des Alliés. Cela fait 2 ans que José et ses amis rêvent du débarquement. Ils le préparent et l'attendent depuis le fameux discours de Pétain, c'était le 17 juin 1940. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Cesser le combat? Mais c'est nous livrer aux Allemands? Abandonner la France? Le vieux Pétain ose dire qu'il a le cœur serré, mais c'est le nôtre qu'il vient de briser. Je pleure sans me retenir. Mon père aussi. C'est la première fois que je vois ses larmes couler. Ma mère respire plus vite, les traits figés. Elle voit pleurer comme des enfants ces deux hommes qui ne pleurent jamais. Seule ma sœur Colette se tient droite, les dents serrées. Moi, j'ai 20 ans. Sa défaite n'est pas la mienne. Pourquoi on ne continuerait pas le combat ici en Algérie? Je suis prêt à me battre et je suis sûr que nous sommes nombreux. T'en fais une tête, Bernard. Ton oncle aussi a été licencié? Ça y est. Ils n'ont pas tardé. La semaine dernière, quand j'ai lu dans le journal « Israël désormais exclu de toute fonction publique », on n'y croyait pas. Mais hier soir, quand tonton est rentré à la maison, il était encore plus sombre que d'habitude. On lui a rien demandé, il n'a pas parlé. On a compris. Il ne retournera plus travailler au Crédit Foncier. Et comment allez-vous faire? Je sais pas. Et ton père, les bâtards, ils vont quand même pas s'en prendre à un ancien combattant, à blessé de guerre? Non, bah ici, ils sont capables de tout. Je pensais pas que ça irait si vite. L'Algérie, plus française que la France, plus royaliste que le roi, comme d'habitude. Ton oncle, comment il va? Aujourd'hui, il est resté à la maison à fumer. Encore plus qu'avant. Et comme si ça suffisait pas, à midi, ma sœur est rentrée de l'école en larmes. La petite Ginette? Sa maîtresse a fait l'appel des élèves qui ne devaient plus retourner en classe. Il y avait son nom, mais son nom, elle n'arrivait pas à le prononcer tellement elle pleurait, sa maîtresse. Après, Ginette nous a demandé si c'était comme des vacances ou si c'était vraiment fini. La tête qu'on a fait. Dis-moi, la maîtresse de Ginette, c'est Madame Luciani? Celle qui nous faisait le cours élémentaire? Ouais, Madame Luciani. En larmes, je te dis. Mais la directrice, la Dorbois, elle pleurait pas du tout, elle. Annette, notre petite cousine, était malade ce matin. Et quand elle a voulu retourner à l'école cet après-midi, la directrice lui a dit « Mademoiselle Lasserie, ignorez-vous que vous n'avez plus le droit de pénétrer cet établissement dorénavant ?» Dorénavant ? Désormais ? Instamment ? Évidemment. La vieille Dorbois, pour une fois, elle pouvait cacher sa lâcheté derrière la loi. Cette chère Madame Luciani, liée par sa famille aux antifascistes italiens et aux républicains espagnols, qui revendique même fièrement un arrière-grand-père communard. Alors que Madame Dorbois, une vraie maréchaliste. Comme beaucoup de pieds noirs, hélas. En Algérie, alors département français, les lois antisémites sont appliquées avec plus de zèle qu'en métropole. Exclusion des juifs des banques, de l'administration, des universités. Les juifs d'Algérie sont déchus de leur citoyenneté française par l'abrogation le 7 octobre 1940 du décret Crémieux qui les avait fait français 70 ans plus tôt. Beaucoup d'entre eux, surtout parmi les militaires juifs, sont emprisonnés dans des camps de travail forcés où d'autres résistants et des communistes sont également internés. Les mauvais traitements, la chaleur et la famine viendront à bout de bien des résistances. Enfin, 18 000 enfants juifs d'Algérie sont brutalement exclus de l'école. Mais en Algérie comme ailleurs, le discours de De Gaulle, le 18 juin 1940, a fait renaître l'espoir. En novembre 1940, se crée un groupe juif d'autodéfense et de résistance armée. Leur objectif, défendre les juifs en cas d'émeute et s'entraîner à la lutte contre les collaborateurs. Ils créent une société de culture physique, puis s'organisent au sein de la salle de sport Géograsse. Située place du gouvernement, cette salle devient le QG de la résistance algéroise. Oh, Pierre, il a l'air lourd ton couffin. C'est tes gants qui pèsent comme ça? Non, j'ai fait du trabendo chez les Espagnols. Ils m'ont refilé pour pas cher des vieux fusils, hein, un peu rouillés, mais bon. Regarde, ça peut faire illusion, non? La contrebande des Espagnols. Ça vient de l'armée républicaine ou de je sais quel trafic. En tout cas, ils en ont dans la cabeça. La vérité, c'est que j'ai bien rigolé avec eux. Ils m'ont fait un tarif, disons, complice. Ils sont où, André et Mickey? Je suis là. D'habitude, c'est difficile de pas me voir. Eh, hey, c'est que t'arrêtes pas de maigrir. C'est vrai, depuis que tu t'entraînes, on te reconnaît plus. C'est ça, rigoler, ouais. Vous êtes jaloux, c'est tout. Moi non plus, je vous reconnais plus. Il y a pas longtemps, vous étiez maigre comme des clous. De vrais stock affiche. Et maintenant, on touche. Ah ouais. Même José, il a des biceps. Comme ils sont beaux, mes copains. Arrête, Mickey. Tu sais que José, il est sérieux. On doit pas dire qu'on est beau gosse ni parler des filles. Après, les amis. Juste après. Quand on sera devenus des vrais champions de la castagne. Quand on aura mis la tannée au nervi du maréchal. J'ai les armes des Espagnols. Plus quelques-unes ramenées de l'armurerie de mes parents. Ma mère me les a données. Et tu sais toujours pas où elle les cache? Ah, j'ai pas osé lui demander. Comme elle est tireuse d'élite, je préfère rester copain avec elle. Pas trop discuter, tu m'as compris. Bon, allez, Mickey. Fais le guet. André, José, aidez-moi à les planquer. Oui, mais où? Les placards du sous-sol sont pleins. Les murs vont finir par s'écrouler avec tous les trous qu'on a creusés. Sous le plancher du ring de boxe. Et là aussi, il y a plein de matériel. Hier, en tombant, j'ai entendu un bruit de métal. J'ai peur qu'un jour, il s'effondre tout seul. Le jour où on découvrira nos planques, va savoir ce qui nous arrivera. Et si ça devait servir à rien, peut-être que les Allemands arriveront avant les Alliés. C'est vrai, Mickey. Mais on va pas tranquillement les attendre. S'ils arrivent avant les Alliés, au moins, on leur fera un comité d'accueil avec ça. De toute manière, on n'a plus le choix. Moi, je me sens prêt. J'ai tellement envie de passer à l'action. La vraie. On doit encore s'entraîner et s'imposer. Je sais que c'est dur, la discipline et le secret. Mais c'est comme ça qu'on permettra l'arrivée des Alliés. Ah là là, Pierre, t'es bien le digne fils de Calamity Jane. Eh oh, docteur Aboulker, attention comment tu parles de ma mère, hein. Tu sais, José, je me demande des fois si on voit pas trop de films. Pour l'instant, il y a que les Anglais qui résistent, les seuls qui tiennent tête. Je les admire, mais jusqu'à quand ils vont tenir? Qui dit que les Américains vont se mouiller? Se mouiller, c'est le cas de le dire. Rien, mais c'est notre seul espoir. Bon, on parlera politique et poésie ce soir comme d'habitude après l'entraînement. En attendant, à l'attaque les gars. Oh purée, hey, José, t'as vu sa droite à Mickey? C'est quoi qui te donne la rage, Mickey? C'est la tête du maréchal accrochée au mur. Ouais. Elle est là pour ça, non? Sa tête, elle me donne la force. Un rabien. Envie folle de lui arranger la cravate. Entre 1940 et 1942, en attendant le débarquement, José Aboulker ne cesse d'œuvrer, de nouer des contacts parfois déconcertants. Par exemple, avec Henri d'Astier de la Vigerie. Ce royaliste résistant présente Aboulker au lieutenant-colonel Jousse, qui n'accepte pas la défaite, et à Robert Murphy, le représentant personnel du président Roosevelt à Alger. Ils sont rejoints par l'abbé Cordier et le commissaire Acchiari, chef de la sécurité policière. Entre eux, la même règle d'or, le cloisonnement et le silence. Ces hommes, aux idées politiques souvent opposées, ont en commun le patriotisme, une certaine idée de la France et l'envie d'en découdre avec Hitler. Le capitaine Pilafort, qui fut fait prisonnier en métropole, a réussi à s'évader et à gagner l'Algérie, caché dans la cale d'un cargo. Il se joint au colonel Jousse et prend tout de suite contact avec les jeunes de la salle Géograsse qui l'entraînent au maniement des armes. L'objectif, préparer le débarquement en Afrique du Nord. L'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la Grande-Bretagne en décembre 1941 vient renforcer l'espoir. Enfin, dans la nuit du 22 octobre 1942, une rencontre secrète doit avoir lieu entre la résistance et les Américains, près de Cherchell, à 100 km à l'ouest d'Alger. C'est un sous-marin de la Royal Navy, le Séraph, qui va déposer clandestinement ses précieux passagers sur la côte algéroise. C'est ce soir. J'aimerais tellement être à Cherchell. Mais c'est Bernard qui était désigné. Normal, il a mon âge, mais il fait plus vieux que moi. On ne veut pas les effrayer avec nos têtes de gamins. Mais c'est fou. Les Américains nous font confiance et veulent nous rencontrer. Vont-ils enfin nous annoncer la date de leur débarquement ? Bernard et Jacques ont dû arriver sur la plage de Cherchell. Je me suis encore cogné ce canoë. Il fait noir, on n'y voit rien. Bernard, tu peux juste m'éclairer un peu ? Chut, parle doucement et pour une fois évite d'être maladroit. Tu sais bien, on peut pas utiliser nos lampes. On risque de se faire repérer. Allez, maintenant Bernard, tu peux me le dire. Dans ce sous-marin, il y a qui ? Ok, alors tiens-toi bien. Figure-toi qu'on attend un général américain. Des Anglais aussi sont du voyage. Nous devons les conduire à la ferme, là-bas. La résistance les y attend. Les Alliés vont nous dévoiler ce soir la date de leur débarquement. Voilà, maintenant tu en sais autant que moi. Le débarquement, c'est donc pour bientôt. Chut, je te promets, Jacques, un jour on pourra le crier. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ça ? T'as déjà vu un sous-marin, toi ? Regarde, là-bas. C'est pas eux ? Je sais pas. Les seuls sous-marins que j'ai vus, c'est dans les films. Mais je crois que c'est silencieux. Ce que tu viens d'entendre, c'est le bruit des vagues et le vent de plus en plus fort. Regarde là, une lumière. Non, elle a disparu. Si, si, si, regarde. Mais je crois bien que t'as raison. Regarde, il reparaît. Oui, c'est eux. Oui, mais c'est... Eh, hey, les gars, c'est eux, d'accord ? Vous restez calmes. Et oui, c'est eux. Non, les vagues sont trop hautes. Les canots vont pas pouvoir passer, Bernard. Essaie de leur demander par radio de s'approcher plus près de la plage. Ils sont là, c'est sûr. Ça y est, ils s'approchent, ils ont fait le maximum. Il n'y a qu'une solution, porter les canots sur nos épaules, le plus près du sous-marin. Bon, il fait froid, mais à la guerre comme à la guerre. Allez les gars, à poil. Les hommes se déshabillent, bravent les vagues et la fraîcheur de l'eau, portent les canots sur leurs épaules, puis après des heures d'efforts, atteignent la porte du sous-marin. Elle s'ouvre. Un homme, immense, plus d'1,90 m, athlétique, jeune, leur parle d'une voix claire et énergique. C'est le général Clark, l'adjoint d'Eisenhower. Il monte le premier dans un des canots. Incroyable spectacle. Nos libérateurs sont en caleçon. Un général et un commandant de marine américain. Robert Murphy, sur la berge, s'avance en souriant et serre vigoureusement la main du général Clark, comme s'il voulait la réchauffer. Bienvenue en Afrique du Nord, mon général. So young, ici courageux. Je crois que vos chefs sont un peu plus vieux, non? Vous êtes José? Non, je m'appelle Bernard. José est mon cousin. Comme les frères Carcassonne à Oran, ils sont aussi mes cousins. Je vous présente Jacques Zermati, qui lui aussi est un parent. Vraiment? En fait, nous sommes les alliés de votre famille. Pour célébrer dignement cette union familiale, Clark m'offre une magnifique carabine US, comme une promesse, un gage. Car, nous dit-il, ils vont bientôt nous livrer des armes. Demain, je la montrerai aux copains. Mon cœur explose de joie. Dans la ferme de Cherchell, les Américains rencontrent Robert Murphy, le colonel Jousse, le général Charles Mast, Jean Rigaud et Henri d'Astier de la Vigerie. Ils leur annoncent leur arrivée dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942. Pour que ce débarquement soit possible, la résistance s'engage de son côté à paralyser Alger et à neutraliser l'armée, soit quelque 12 000 hommes et près de 2 000 miliciens fascistes pendant au moins 2 heures. Face à ces 14 000 hommes, entraînés et armés, les résistants, eux, seront moins de 400. Les Américains promettent de leur livrer rapidement des armes. 2 semaines plus tard, le 6 novembre, veille du jour J, une réunion se tient au domicile de la famille Aboulker, 26 de la rue Michelet, une artère commerçante d'Alger. Leur appartement est devenu le QG de la résistance. J-1. Je sens le temps qui s'accélère. Les heures comptent double et en même temps, elles filent. Nous n'avons toujours pas reçu les armes des Américains. C'est la 3e fois qu'ils ne viennent pas au rendez-vous. Murphy non plus ne comprend pas. Notre réunion va bientôt commencer. Il y a déjà du monde dans l'escalier. Pas sûr que les voisins pensent que c'est pour Shabbat. Allez, aujourd'hui la prière attendra. C'est bien, tout le monde est là. Mes amis, c'est demain, dans la nuit, que les alliés débarquent. C'est une certitude. Il est temps que je vous présente quelques aînés. Voici le colonel Jousse, major de la place d'Alger. Le capitaine Pilafort, qui a fui la métropole clandestinement pour nous rejoindre. Enfin, quelqu'un avec qui on n'a pas toujours été d'accord. Un vrai noble, qui depuis le début aura eu l'élégance de servir de cheville ouvrière, si je peux me permettre. Monsieur Henri d'Astier de la Vigerie. Merci, José. Messieurs, vous le savez désormais, les alliés sont en route. Ils seront en Algérie demain dans la nuit. Le colonel Jousse va vous distribuer vos ordres de mission. Bonsoir, messieurs. Nous savons d'ores et déjà que moins de 400 hommes ont répondu à l'appel au lieu des 800 sur lesquels nous comptions. À Cherchell, on nous avait promis des armes. 750 pistolets mitrailleurs Sten. Elles n'ont toujours pas été livrées. Il nous reste un tout petit espoir pour demain matin. Murphy parle d'erreurs de lieu de rendez-vous, de mauvaise transmission. Bon, je viens de rencontrer le responsable du Parti communiste. Il craint une provocation et ne veut plus s'engager. En bon directeur d'école, il m'a pris par l'épaule et m'a répété plusieurs fois que si les armes n'ont pas été livrées, c'est qu'il s'agit d'un piège. Mon petit, n'y allez pas, il m'a dit. Vous allez tous vous faire prendre. L'essentiel est que la mission ne change pas. Demain, vous verrez, nous serons 1500 et 10 000 la semaine prochaine. Henri a raison. Nous devons faire avec les moyens du bord. Nous n'avons pas les moyens de revoir nos ambitions à la baisse. Il faut libérer l'Europe du nazisme. Et vous savez, hélas, plus que d'autres, ce que cela signifie. L'un des premiers noms du cauchemar de Hitler sera Alger. Ce soir, nous nous y engageons. Notre mot de passe, et ne riez pas, jeunes gens, c'est whisky soda. Ou plus exactement, quand on dira whisky, il faudra répondre soda. L'opération commencera à 22h30, chez nos amis du garage Lavesse. Ce sont eux qui fournissent l'essence et les véhicules. Chaque responsable chargé d'un point sensible à neutraliser prendra possession d'un véhicule léger pour les liaisons et le transport des armes qui seront distribuées à ce moment-là. Il y a un élément nouveau et de taille. Le commandant en chef des forces de Vichy, l'amiral Darlan, est ici en personne à Alger. Il est venu voir son fils malade. Ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, je ne parle pas de la maladie de son fils, mais de sa présence chez nous. Disons qu'il est devenu un objectif supplémentaire. Nous devons l'empêcher d'agir et, si possible, le mettre aux arrêts. N'est-ce pas, José ? Si on y arrive, ce sera une belle prise. Nous avons déterminé 5 secteurs de A à E. En tout, il y aura 19 opérations. Chaque groupe a sa mission. Nous devons investir la Villa des Oliviers, la Grande Poste d'Alger, le central téléphonique, le 19e corps, la préfecture d'Alger, le commissariat central, les commissariats des quartiers, le palais d'hiver, et oui, même sans les communistes, la caserne Pélissier, Radio Alger, le terrain d'aviation de Blida, l'Amirauté et le port d'Alger. Nous devrons aussi neutraliser les batteries du fort de Sidi Ferruche, qui est le principal site du débarquement. Bon, je sais, c'est pas une paille, comme on dit chez nous. Nous devons, en un mot, renverser le gouvernement de Vichy à Alger. Pour y arriver, nous allons recourir à une ruse que le colonel Jousse va vous expliquer. Vous n'ignorez pas que les collaborateurs vichistes ont imaginé un plan pour contrecarrer un éventuel débarquement. Regardez ces brassards. Ils avaient prévu de les distribuer à leurs miliciens pour maintenir l'ordre en cas de trouble. Et deux lettres noires, VP, signifie volontaire de la place. C'est vous, messieurs, qui allez les porter. Et vous aurez sur vous ces papiers officiels. Ils sont des ordres de mission signés par le général Mast. Avec ses papiers, ses brassards et ses uniformes, nous serons en charge de maintenir l'ordre. Nous allons appliquer le plan de défense officiel prévu par les vichistes et l'illusion sera parfaite. Le cloisonnement a été total et le secret bien gardé. C'est incroyable. Ce soir, je découvre des visages connus parmi les volontaires. Camarades de classe, de lycée, cousins ou amis, un père et son fils, eux aussi résistants, et je l'ignorais. Nous n'avions pas pensé à une résistance juive. On en est presque désolé. Juif, c'est ce qui est écrit en rouge sur notre carte d'identité depuis octobre 40, comme une insulte, une balafre. Nous sommes des patriotes, et cette France qu'ils nous ont arrachée, nous l'avons gardée dans notre cœur, et nous allons la récupérer avec nos armes. Rien, ni Vichy, ni même la résistance, ne nous fera retourner au ghetto. Demain, on va porter les habits des vichistes. Comme il est drôle ce scénario. Le rire nous rassure. Tous ces visages autour de moi. Dans chaque regard, un cocktail étrange fait d'ironie, de gravité et de fierté. Whisky soda. Dans l'après-midi du 7 novembre 1942, la BBC diffuse plusieurs fois le même message. Allô, Robert, Franklin arrive. Le jour J est enfin arrivé. Beaucoup exultent, car Robert, c'est sûrement Robert Murphy. Quant à Franklin, c'est le prénom du président Roosevelt. L'opération Torch a commencé. Ce même 7 novembre, l'Écho d'Alger recommande au cinéma une comédie étincelante d'esprit et de gags, à ne pas manquer. Choc en retour, tel est le nom du film, au titre peut-être prémonitoire. Il arrive que l'histoire ait le sens de l'humour. Mes amis, c'est la dernière fois que nous nous réunissons chez moi. La prochaine, ce sera, je l'espère, pour fêter la victoire. Dans moins de 2 heures, chacun s'occupera de sa propre mission. J'ai l'honneur de vous présenter le consul général Murphy, représentant de Eisenhower. Il tient à vous féliciter tous personnellement. Tout l'honneur est pour moi. Jeunes gens, je veux vous dire que j'ai rarement rencontré autant de courage et de détermination. Je suis sûr que nous atteindrons nos objectifs. C'est un honneur, colonel. Je vois que vous fumez presque tous. Je vous ai apporté quelques cartouches de Camel. Franchement, on aurait préféré des armes. Ouais, chameau d'Américain. Je le sais bien, et j'en suis désolé. Hier encore, j'avais la confirmation d'une livraison ce matin. J'attends le jour où les plus hautes autorités vous présenteront leurs excuses. Bonne chance. Good luck to you all. À 22h30, les hommes quittent le domicile de José Aboulker, chacun vers sa mission. José reste seul chez lui avec le commissaire André Acchiari. Ça m'a fait drôle de les voir tous en uniforme. Vous, vous êtes habitué, commissaire Acchiari, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir une armée. Mais nous sommes une armée, José. Allez, il est temps de rejoindre le front. Toi, au commissariat central. C'est bizarre. Tu attends quelqu'un? Non. Sûrement quelqu'un qui a oublié quelque chose. Mais pourquoi somme-t-il? Il devrait connaître notre code. Monsieur, à qui ai-je l'honneur? L'homme qui se présente à la porte n'est autre que Delgove, le chef de la police politique d'Alger. Alerté d'une certaine agitation au domicile des Aboulker, il vient inspecter les lieux. Mais à peine est-il entré que José et Akhiari le neutralisent et, après l'avoir ficelé et bâillonné, l'enferment dans un placard. Je m'attendais pas à une aussi grosse prise. Et si vite, on dirait un cadeau. Delgove ficelé dans le placard de ma chambre, juste à côté de la salle de bain. S'il savait qu'un poste émetteur-récepteur a été installé dans la baignoire pour permettre à Murphy de communiquer avec Eisenhower à Gibraltar. 23h. Les alliés approchent des côtes d'Afrique du Nord et les conjurés d'Alger s'apprêtent à leur ouvrir la voie. Chaque chef a rejoint son groupe au garage Lavesse, dont les propriétaires, complices, leur prêtent des véhicules. Puis on distribue les armes. Ce sont de vieux fusils Lebel, graisseux et hors d'usage. La mission de l'aspirant Jacques Zermati est d'occuper la préfecture de police. Avec son groupe, il est d'abord passé chez Florence Atlan, la mère de Pierre, qui cache un stock d'armes sous le toit de son immeuble. La fameuse Calamity Jane est aussi une mère poule. À chaque résistant, elle distribue une arme ainsi que de délicieuses boulettes à la tomate. Roule doucement. Rue Ducos de la Hitte. Voilà. On est arrivé. Formidable, cette petite rue déserte qui longe la préfecture. C'est bon, ils sont là. Whisky? Soda. Il n'y a personne. Halte là! Qui êtes-vous? Messieurs les agents, je me présente. Nous sommes les volontaires de la place pour une mission très spéciale. Voici notre ordre de mission. À vos ordres. Hé, le concierge, réveillez-vous. Police. Monsieur? Conduisez ces messieurs au plus vite chez monsieur le préfet. C'est un ordre. Courage, messieurs. Et vive le maréchal Pétain. T'as raison. Monsieur. Vive Pétain. Où peut bien se trouver la chambre du préfet? Et si le concierge nous tendait un piège? Après tout, il est plus de minuit. Tout le monde dort. Encore un escalier. Un couloir. Ah, voilà la lumière. Essayons cette porte. C'est la chambre du préfet. Emmanuel Temple. Au lit. Avec son épouse. Monsieur le préfet. Oh! Mais que voulez-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes la mission spéciale, chargée de protéger les autorités, les volontaires de la place. Volontaires de la place? Vous m'aurez prévenu. Tout doux, tout doux. Inutile de faire le malin. De toute façon, votre téléphone est coupé. Levez-vous et habillez-vous. Le préfet en chemise de nuit. Quelle drôlerie. Sa casquette de préfet sur la table. J'ai follement envie de la mettre sur ma tête. Après tout, le préfet maintenant, c'est moi. J'espère que vous êtes un gentleman et que vous allez vous tourner quand ma femme se lèvera. Monsieur le préfet, ce n'est pas la première fois que je vois une femme dans cette tenue. Je me contenterai de fermer les yeux moralement et l'honneur sera sauf. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous, jeune homme, vous faites une grosse erreur. Demain, vous serez pendu. Quant à vous, commissaire Akhiari... Vas-y, fais-le taire définitivement. Non, commissaire. Ce ne sont pas les ordres. Des chefs de cabinet, des fonctionnaires, leurs épouses sont rassemblés dans le grand salon de la préfecture. S'ils savaient que nos revolvers n'ont pas de cartouches... Je suis un fidèle partisan du maréchal. Je suis un ancien combattant de la Grande Guerre. Je n'aime pas les Allemands. Mais nos chefs font la seule politique possible en ce moment. Calmez-vous, monsieur le préfet. Mais... d'où viennent ces coups de canon? Allez-vous vous décider à m'expliquer ce qui se passe? Monsieur le préfet, si vous voulez bien m'accompagner sur la terrasse. Mais de quoi s'agit-il? Quelle est cette fumée? Ce sont les alliés. Monsieur Temple, j'ai l'honneur de vous dire que les Américains et les Anglais débarquent. Le spectacle est extraordinaire. Sur le port d'Alger, deux destroyers anglais se sont frayés un passage. L'un d'eux est à quai et débarque des hommes. Le préfet qui sue à grosses gouttes n'en croit pas ses yeux. Et voilà que le chef de la Légion des combattants en Algérie, alerté par la canonnade, se présente à la préfecture. Le brave homme veut se rendre utile. La prise est de taille. Ce collaborateur notoire, ce salopard est soudain pitoyable. C'est tout juste s'il ne se met pas à genoux pour demander pardon. C'est sûr qu'à notre place, lui, n'hésiterait pas à nous descendre. Mais le temps passe, menaçant. Nous, on a rempli notre mission, mais les alliés, qu'est-ce qu'ils foutent? Le jour se lève et toujours pas l'ombre d'un Américain. Partout, les résistants ont rempli leur objectif. L'uniforme et les ordres de mission ont fait leur effet. José Aboulker, avec moins de 20 camarades, occupe le commissariat central. Ces hommes ont scié les câbles téléphoniques entre Alger et Vichy. Seul le réseau de la police fonctionne. On a pris le commissariat central avec des armes hors d'usage. Heureusement, 6 de nos camarades ont cambriolé un dépôt de dynamite, 200 cartouches, des détonateurs et des mèches. Les geôles sont pleines. Les policiers patriotes ont mis leur chef sous les verrous. Ils sont fiers. Quand je leur ai dit « Les alliés débarquent, nous allons libérer la France », ils ont chanté la Marseillaise et décidé de nous rejoindre. De 3 à 5 heures du matin, j'invente des mensonges aux Algérois qui appellent le commissariat pour savoir ce qui se passe. Messieurs, mettez-le en geôle. Lâchez-moi ! J'y crois pas. Ettore, le secrétaire général du gouvernement général, lui aussi, s'est jeté dans la gueule du loup. Ah, voilà Dastier de la Vigerie. Content de vous voir. Quelles sont les nouvelles? Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Tout va bien, mon jeune ami. Ils ont débarqué vers 1h du matin à Sidi Ferruche et je viens d'apprendre que 2 navires anglais sont dans le port d'Alger. Mais ils attendent quoi pour nous relayer? Ils ne devraient pas tarder. Déjà, tout s'est passé comme prévu. À El Biar, nos camarades ont encerclé la Villa des Oliviers, puis arrêté le maréchal Juin, Darlan et Mandigal. Darlan, grossier comme à son habitude, a insulté Murphy. « Bande de salauds, on va vous foutre à la mer !» Et Jousse? Il a arrêté le général Kurtz, en robe de chambre, qui s'est mis à hurler. « Vous serez fusillé, je vous arrête !» Mais Jousse, impassible, lui a dit qu'il était son prisonnier, que les Américains étaient là, que la lutte reprenait. « José, le général Rouberti est dehors. »« Fais-le entrer. » « Le général Rouberti? Encore une belle prise que nous n'avions pas prévue, José. » Messieurs, mettez-le en geôle. Comment ça? Nous les coffrons les uns après les autres. Ils sont fous de rage. Quel plaisir! Le sous-sol du commissariat central regorge de prisonniers civils et militaires. Il y en a tellement qu'on doit en transférer au cinéma Caméo. On y joue le film Le Choc en retour, c'est le cas de le dire. Tout Alger est entre nos mains. Mais les heures passent. Comment rassurer mes camarades? Aux ennemis, je claironne que des centaines de milliers d'Américains ont débarqué. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous relever? Nous devions tenir 2 heures, il est déjà 7 heures du matin. Les résistants d'Alger ont tenu leur pari, tout l'Algérois est chloroformé. Hélas, les alliés, qui ont débarqué dans la nuit, restent sur les hauteurs d'Alger et ne viennent pas relever les résistants. Entre-temps, les forces vichistes ont pu reprendre, une à une, toutes les positions tenues par les résistants. 2 d'entre eux, le lieutenant Jean Dreyfus et le capitaine Pilafort, seront abattus. Le commissariat central, tenu par José Aboulker, dernier bastion de la résistance, ne sera évacué qu'à 18h. Il n'empêche, le succès du débarquement anglo-américain aurait été impossible sans l'action de la résistance, qui, en prenant le contrôle des points stratégiques d'Alger avec moins de 400 hommes, a permis de retarder la réaction du gouvernement de Vichy. L'armée d'Afrique, après 3 jours de combats sanglants contre les Alliés, à Oran et au Maroc, se retourne et terminera la guerre dans l'autre camp. Le débarquement allié en Afrique du Nord marque un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est qu'en octobre 1943 que la plupart de ces résistants juifs retrouveront leur citoyenneté française. Que va-t-il se passer maintenant à Alger? La victoire est incertaine. Je ne suis sûr que d'une chose... Bientôt, Hitler sera battu. Peu importe si l'histoire retiendra ou pas nos noms. Mes camarades et moi, notre mission est accomplie. et nous avons tenu parole. Ce n'est pas aux antisémites que nous laisserons le soin de sculpter nos destins. « 1942, l'opération Torche » de Brigitte Stora avec Julien Bouaniche, José Aboulker, Justin Blanquert, Jacques Zermati, Antonin Meyer-Esquerré, Bernard Carsenti, Marc Léonian, André Acchiari, Slimane Yevza, Pierre Atlan, Guillaume Potier, Mickey Charles Bouchara, Jean-Luc Vincent, Henri Dastier-Lavigerie, Steven Jakov, le général Clark, Nicky Marbeau, le colonel Jousse, Gaël Zax, le colonel Murphy, Laurent Claret, Emmanuel Temple. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Emmanuel Armin et Maïwenn Lejean. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Cédric Ossire. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur l'opération Torche avec mon invité Philippe Danon. Yasmine Hamdan, La Badène, sur France Inter, dans Autant n'importe l'histoire, l'émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale, Djoubaka, à la technique, Maxime Ingrand. Philippe Danon, nous avons écouté cette histoire ensemble. Est-ce qu'on peut dire, sans hésiter, aujourd'hui, que sans l'action des résistants d'Alger, le débarquement allié en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, aurait été impossible? Eh bien, on se rend bien compte de ce qui se serait passé. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Oran et au Maroc, où effectivement les mouvements de résistance n'ont pas eu la chance de réussir comme à Alger. Il y avait que quelques milliers d'Américains dans les troupes débarquées, en face de, même bien armés, en face de la masse des vichistes, ils n'auraient pas fait le poids. C'est une histoire extraordinaire, tout de même, ces jeunes comme ça qui vont composer avec les Américains, qui vont travailler avec les Américains. Ils sont si jeunes, ils ont peur même de pas être pris au sérieux par les Américains. C'est une histoire d'une audace extraordinaire quand on regarde ça 60 ans après. En fait, je ne crois pas qu'il s'est douté d'être pris au sérieux par les Américains. Simplement, les militaires américains, en particulier ceux qui ont débarqué, n'y croyaient pas. Et s'ils ont été tellement attentistes dans leur progression, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'une poignée de gens non armés avaient réussi à paralyser Alger. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter la voix de José Aboulker, justement à propos de sa prise du commissariat central d'Alger. C'est ainsi que s'organise une gigantesque souricière où je fais venir au commissariat central, où viennent spontanément d'eux-mêmes se faire prendre un certain nombre de très hauts fonctionnaires, par exemple celui qui remplace le gouverneur général de l'Algérie, M. Ettori, qui est un salaud particulièrement salaud, que j'ai un certain plaisir à accueillir quand il sort de voiture. Qu'il arrive au commissariat central, 10 minutes après que je lui ai dit au téléphone « Venez vite, on vous attend », j'ai un certain plaisir à dire aux policiers qui sont maintenant avec nous « Mettez-le en geôle ». C'est étonnant cette histoire, Philippe Danan, ces jeunes hommes, quel plaisir ils ont dû éprouver en coffrant les uns après les autres tous ces pétainistes. Même si effectivement c'était pas le but en soi, le but c'était d'arriver à ouvrir la voie aux Américains et de permettre le débarquement. Ben, je crois qu'ils se rendaient bien compte que chaque fois qu'ils faisaient une arrestation, c'était un pas vers leur mission. Mais par contre, je crois pas que ça les ait remplis de joie. Après, oui. Après, se rendre compte qu'ils avaient coffré 12 officiers supérieurs ou officiers généraux, effectivement, à 20 ans, j'aurais été content de l'avoir fait. Alors, l'intelligence de José Aboulker, c'est d'accepter aussi de s'associer avec des hommes qui ne lui ressemblent pas du tout politiquement. Par exemple, on a entendu Henri d'Astier de la Vigerie, qui est un patriote, certes, mais c'est aussi un royaliste, et puis aussi, c'est un antisémite. Et José Aboulker le sait. Je crois que... C'est pas le plus nocif n'était pas d'Astier. José s'est associé aussi avec l'équipe Lemaigre-Dubreuil-Rigaud. Lemaigre-Dubreuil a été le trésorier de la cagoule avant la guerre. Donc une organisation qui était clairement antisémite. C'était des gens d'extrême droite. Et si vous voulez, je vous raconte une histoire. Quand j'étais militaire en Algérie, je suis allé en permission chez un de mes oncles, Fernand Morali, qui avait été auprès de capitaines et des animateurs du groupe Combat à Alger. Donc de la résistance. De la résistance. Et alors, mon oncle me parle de mon autre oncle José. Il me parle de José Aboulker. Et alors, il me dit, je l'ai rencontré à la veille du débarquement. Il y avait une réunion qui était prévue entre capitaines, un membre des groupes de résistance et l'extrême droite. Et capitaine n'a pas pu y aller et m'a demandé d'aller à sa place. Et quand je lui ai dit comment je ferais pour y aller, il m'a dit, vous n'avez qu'à rester chez vous, un de vos étudiants va venir vous chercher. Mon oncle était professeur de médecine. Il a été stupéfait quand il a vu apparaître José, qui était son cousin. Et il lui a dit, toi José, toi avec nos ennemis de toujours, en parlant de l'extrême droite. Et José lui aurait répondu à ce moment-là, tout plutôt que l'allemand. Ceci répond à votre question, je crois. Oui, il fallait savoir composer... Il fallait essayer de réunir toutes les forces possibles. Les forces patriotiques. Alors c'est aussi l'intelligence de José Aboulker, c'est aussi de vouloir empêcher une riposte de l'armée de Vichy au débarquement allié. Hein, le seul moyen pour ensuite permettre un ralliement de cette armée aux Anglo-Américains. Mais les choses ne vont pas se passer très simplement, aussi simplement qu'on pourrait espérer. On a quitté José Aboulker, donc c'était le 8 novembre dans l'après-midi. Les Américains ont tardé à arriver. Les résistants sont obligés de se rendre. Les événements qui suivent à Alger sont assez compliqués. Pouvez-vous quand même nous les résumer dans les grandes lignes, Philippe Danan ? Eh bien, la position américaine a été très simple. Ce qu'ils voulaient avoir, c'était l'armée d'Afrique. Tout le reste, c'était de la littérature. Et ils ont pactisé avec Darlan. Darlan, qui était donc l'amiral qui a gouverné l'Afrique du Nord avec un protectorat vichiste. Et Darlan, qui signait ses actes de commandement au nom du maréchal empêché. En maintenant une fiction d'un maréchal prisonnier à Vichy. Et après la mort de Darlan, en décembre 1942, il a été remplacé par Giraud, qui ne valait guère mieux. Et Giraud, lui, il avait une formule: abattre les communistes, les francs-maçons et les juifs. C'est un programme, somme toute, assez simple. Et il a maintenu soigneusement les lois raciales jusqu'à ce qu'il soit obligé de relâcher peu à peu son étau. Et ces lois n'ont définitivement disparu que quand De Gaulle a réussi à prendre le pouvoir et à éliminer Giraud. En 1943. À la fin 43. Et qu'est-ce qui est advenu à José Aboulker et à ses amis ? Alors, pour un grand nombre des jeunes des 400 se sont engagés dans les corps francs d'Afrique, puisque l'armée française, sous le régime de Vichy, ne voulait pas des juifs. Quelques-uns sont allés à Londres, dont José. Enfin, d'abord, il a été emprisonné quand même. Il a été interné dans un camp dans le sud algérien pendant quelques mois. Après l'exécution de Darlan. On a essayé de mettre ça sur le dos de l'ensemble des résistants pour éliminer des opposants. Mais en fait, ils n'étaient pas dans le coup. Mais José, après, est allé à Londres. En avril 1943. En avril 1943, et il s'est engagé dans le BCRA, et il a été parachuté en France en octobre 1943. Oui, il était chargé d'organiser le service de santé des maquis. Il a organisé le service de santé de la résistance, effectivement. Il est retourné à Londres, et il est reparti pendant les combats de la libération. Il était envoyé en zone occupée, dans le secteur de Toulouse, où il a mis en place les commissaires de la République. Et après la libération, il va proposer une loi visant à permettre l'élection de députés musulmans indigènes en Algérie, et il dénonce la répression à Sétif menée contre les manifestants le 8 mai 1945. Alors après, à la fin de la guerre, il y a eu une assemblée consultative avec des gens qui étaient issus de la résistance. Parmi les résistants qui sont devenus députés à cette occasion, il y avait effectivement José Aboulker qui a pris position effectivement contre la répression de Sétif. Et puis après, il a fait quelque chose de très bien, à mon avis. Il a passé sa thèse et il est devenu médecin. Oui, il a décidé de ne pas faire de la politique et il est revenu à ses études de médecine. Donc il a passé sa thèse en 1945. Et sa thèse, d'ailleurs, m'a beaucoup déçu parce que j'y assistais. Et je croyais qu'il allait expliquer comment soigner une maladie. Et pas du tout. Il a expliqué comment le service de santé de la résistance avait été organisé. C'était une grande déception. Ça lui collait à la peau quand même. C'était une grande déception. Et ça lui collait à la peau, cette histoire de la résistance. Merci beaucoup Philippe Danan. Ça doit être quelque chose quand même d'être le neveu de cet homme extraordinaire. C'est moi qui vous remercie. Je conseille la lecture passionnante du livre de José Aboulker, La victoire du 8 novembre 1942, La résistance et le débarquement des alliés à Alger, publié après sa mort en 2009 aux éditions du Félin, avec une belle préface de Jean-Louis Crémieux-Briac. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcastée sur notre site franceinter.fr où j'attends comme d'habitude vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez par exemple écouter Berthe Morisot, une femme chez les impressionnistes, ou encore Jeanne Delamotte et l'affaire du collier de la reine, ou bien encore Isadora Duncan, la naissance d'une superstar. La semaine prochaine, en raison de la soirée électorale, et oui, n'oubliez pas, c'est le premier tour de la présidentielle, il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons donc dimanche 30 avril au programme Fernande et Picasso, la belle histoire d'amour de Fernande Olivier et de Pablo Picasso. C'était au temps du bateau Lavoir à Montmartre, le temps de la dèche, de la misère, quand Picasso était inconnu et avant qu'il ne devienne un collectionneur de femmes. Fernande et Picasso, c'est dimanche 30 avril dans Autant n'emporte l'histoire. Mais juste après le flash, ne manquez pas bien sûr État d'esprit de Noël Bréham. Très bonne soirée.